be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Une invasion de lapins eut lieu et menace toujours. Des lapins si nombreux qu'ils mettent la vie de l'homme en danger en dévorant ses récoltes et détruisant ses biens. C'était le matin et ils dormaient bien. Ils ne savaient rien et ils se sentaient bien. Ils ne pensaient à rien et c'était mieux que rien. Ils dormaient le matin et on met des lapins. La Distro La Pinothèque est un espace de diffusion de tracts, de brochures, de vinyles, de livres qui planent et plongent dans la culture punk, alternative et populaire et dans les mouvements sociaux. Vous pouvez nous retrouver lors de concerts, de discussions pour parler, emporter ce qui vous plaît, soit à prix de soutien, soit à prix coûtant, parce qu'on fait pas de bénéf. On est sur les ondes de Radio Air Libre tous les derniers mercredis du mois, dans l'émission Tranche d'un Art, à 20h30, sur le 87.7, écoutable et réécoutable sur le site de radioairlibre.net. Vous pouvez nous appeler au 02 344 58 55 ou nous écrire au 365A, Chaussée d'Eisenberg, à Bruxelles. Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre première émission de la Distro La Pinothèque en tant qu'émission à part entière détachée de Tranche d'un Art. Alors aujourd'hui, 26 mai 2013, c'est un petit pas pour vous mais un très grand pas pour des petits lapins comme nous. À cette occasion, Dylan vous présentera La collapsologie ou l'école mutilée de Renaud Garcia, paru à l'échappée en 2020. Une belle critique de nos faux amis. Vous entendrez le super morceau de Mav du Club Dorothy. Alors, je ne sais pas si on dit Mav ou M-A-V, désolé. En fait, je le dis parce que comme c'est un préenregistrement, je sais très bien que Dylan ne vous présentera pas ce morceau, mais c'est bien lui qui l'a choisi. Il reviendra après ce morceau pour vous présenter la brochure « Les sauvages des lentières ». Et il clôturera sa présentation avec le groupe Bella Vita, De la Peau et Les Os. Alors moi, je vais revenir ensuite pour parler d'Adeline Lepinet, ou plutôt de son livre « Organisons-nous, manuel critique », édité chez Hors d'atteinte en 2019. Et pour plonger cette belle émission dans le cadre de la réédition d'une cassette audio disponible à la Lapinothèque, Titi vous présentera Fragments d'histoire sur le début des radios libres à Bruxelles, avec en prime l'histoire des radios alternatives bruxelloises, les RZAB, comme on dit, sur Radio Brol, puis sur Radio Air Libre. Mais avant la critique de La fin du monde par Dylan, moi j'ai bien envie de faire une petite incantation au soleil parce que on en a gros avec tous ces nuages et que là, bah, c'est bon. Et si par hasard, quelqu'un m'écoute de l'autre côté, alors je t'invite à une petite bourrille, comme le font si bien les filles d'Orouette. Mais pour ça, ah ben on va le faire sur Mungo Jerry avec In the Summertime. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing. See, we're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Yeah. Da da da da, alright, alright, alright. Da da da da da. Alright. Oh. will settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee. Da da da da da, yeah, we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da. Bonsoir tout le monde. Moi je vais vous présenter La collapsologie ou l'écologie mutilée de Renaud Garcia aux éditions de L'Échappée. Bouquin fraîchement paru en janvier 2021. Je veux prévenir que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, j'ai lu la moitié, mais il y a des choses qui m'ont parlé, je vous les partage pour vous donner envie de le lire. Petite contextualisation, collapse, logos, collapse, effondrement, logos, étude, donc la collapsologie c'est l'étude des effondrements et des moyens pour s'y préparer. Autrement dit, bon, ça c'est déjà dans la critique du bouquin, mais la collapsologie, c'est l'absence de retour en arrière. C'est l'impossibilité d'un avenir ou du futur. Et c'est Pablo Servigne et Jared Diamond, notamment, qui ont pas mal fait parler de la collapsologie à partir de 2014-2015, par là. Ils ont donc fondé une espèce d'écologie qui se prétend sérieuse et scientifique, en faisant le constat que nous fonçons droit dans le mur. Les choses qui m'ont marqué dans la lecture, c'est que, avant d'analyser les causes de l'effondrement, la collapsologie se concentre à encaisser la nouvelle, quoi. Il faut prendre en charge le fait qu'on va droit dans le mur, qu'on va tous mourir. Accepter la situation de merde et mourir à petit feu, quoi. Et en faisant ce constat-là, ben, on pourrait croire que la collapsologie amène la résignation, parce qu'en fait, rien n'est possible, mais en fait, pas tellement. Ça parle pas mal aux jeunes, aux personnes concernées, qui se mettent dans l'action et dans l'activité, notamment autour de mouvements comme, par exemple, Extinction et Rébellion, mais il y en a d'autres. Et en fait, la critique du bouquin, c'est la pauvreté du discours et la pauvreté de l'activisme et de l'activité qu'il y a là-dedans, parce qu'il y a peu de place pour de la réflexion et pour construire un discours plus approfondi. Il y a une forme de discours très consensuel, mou, par exemple, qui n'amène pas de critique des rapports sociaux de production, du capitalisme, de l'exploitation. La collapsologie, elle l'effleure un petit peu, mais elle peine à critiquer vraiment les causes des nuisances. Le désastre qui est déjà en cours depuis très longtemps, ses origines et surtout la logique d'exploitation qui produit le monde dans lequel on vit. Et voilà, par exemple, on ne peut pas isoler la catastrophe écologique comme si elle était indépendante du capitalisme et penser qu'après la catastrophe, tout d'un coup, on deviendrait sympathique et on vivrait l'entraide à grande échelle. Par rapport à ça, l'auteur analyse aussi tout le discours moral qu'il y a sur l'entraide. Il y a l'entraide qui est portée comme un slogan, comme une solution contre l'égoïsme, mais tout en dépolitisant la question. Pour revenir encore un peu aux origines, et c'est Aline qui avait présenté l'entraide de Kropotkin. Kropotkin, il parle de l'entraide comme une notion qui a une puissance politique. C'est une notion qui visait à produire une histoire par le bas, en montrant comment les communautés animales se sont organisées contre la domination. Et du coup, c'est une lecture de classe, c'est une lecture importante, quoi, qui est complètement absente dans les histoires de la collapsologie où l'entraide est vendue comme un slogan publicitaire. C'est ça qui va nous sauver et qui arrivera après la catastrophe. Et par exemple, ça revient avec autre chose que j'avais présenté avant avec les histoires de management, mais il peut y avoir un management bienveillant avec de l'entraide entre les collègues, entre les ouvriers, pour créer plus de profit pour l'entreprise. En fait, l'entraide retirée de son contexte ou retirée d'une lecture de classe et politique, bah, on s'en fout, quoi. En fait, elle peut juste renforcer le système. Un autre exemple de la pauvreté de la critique collapsologue, c'est qu'elle n'approfondit pas la différence entre effondrement de l'écosystème et effondrement du capitalisme. Elle en parle comme ça des deux, quoi, plus ou moins de la même manière, comme si l'un était conséquence de l'autre. Alors qu'on peut tout à fait imaginer un effondrement de l'écosystème et un renforcement du capitalisme en même temps. Par exemple, avec le dégel du permafrost, qui va provoquer une augmentation du méthane, eh ben hop, c'est une nouvelle filière, une nouvelle manne d'énergie à exploiter, quoi. Et donc l'auteur invite à une écologie radicale non mutilée. Une écologie qui ne serait pas mutilée de la critique des nuisances, de la critique de la société industrielle, de la critique des rapports sociaux de production capitalistes. Et que quand bien même il n'y aurait plus de menace d'effondrement, eh ben, il y aurait toujours une écologie qui resterait critique. Tout ne va pas s'arranger avec l'effondrement, quoi. Cet entretien avec le gouverneur Henri Santini vous est offert par Soleil Rouge et Soleil Jaune, végétaux à grande puissance énergétique, et le tout nouveau et délicieux Soleil Vert, l'aliment miracle au concentré de plancton recueilli dans les mers et océans du monde. Mais je kiffe en vache. Attends, je précise. Je kick et je lutte sans relâche. Face à eux, je résiste. Vive, j'esquive ce qu'ils nous rabâchent. Tellement je persiste dans cet exercice. Je deviens exorciste. L'avenir est sombre. Ils s'éclaircissent. Et nos souffrances s'écrivent à la fond. Soigner cicatrices. Censé bosser, ouais, jusqu'à la tombe. Réchir Narcisse. Devant les schmitts, on démarre en trompe. Les armes factices. Ouais, MAV. Pour ces sales petits fils, on prévoit juste un feu d'artifice. Pas qui skis, on les guise, on s'y glisse. But de sacrifice, on fait de l'artifice. Marty se disque, on fait des discours pour vendre les disques alors qu'on prend les risques. J'espère que tu comprends nos lyrics. Qu'ensemble on enflamme un Vélix. On est trop sérieux, gars. Mâchoire serrée. La justice n'est pas impartiale. Incarcérée. Leur violence n'est pas justifiée. Mais tous les jours réitérée. Pour moi, flic n'est pas justicier. On vit pas dans une série télé. Leurs médias, on veut plus s'y fier. Nous font passer pour des teubés. Ils aimeraient nous voir crucifiés. Veulent des murs, veulent des barbelés. Nos espoirs sont classifiés. Confisqués puis mis sous scellés. On va pas reculer, ni les calculer. Y'aura un partout s'il y a un portulé. Et ma vie, et ma vie. Je crois aussi les traits, ils ne sont peut-être pas tous illettrés. Dis qu'il est pas con alors qu'il est très. Je crie mort aux vaches au préfet qu'il est très. T'es sûr qu'il est en train de faire une bavure, lui dit circuler. Moi j'y rentre dans le tas, on l'a circulé. C'est pas un attentat que de masser le poulet. Ça va nous défouler. Qu'est-ce que tu viens me brouter, j'ai de marabouter. Je baisserai les yeux quand tu m'auras buté. Sors ta matraque, j'ai déjà goûté. Je sais pas où tu te crois, mais c'est pas où t'es. Je crois que leurs neurones n'ont qu'au circuité. Ils sont surchauds, surcuités. Quand tu vois l'uniforme, t'es pas sûr qu'ils te tombent, mais t'es sûr que t'es pas en sécurité. Christophe en premier. Et c'est bleu, je les mets deux. Tu crois que je sais pas compter, mais je mets 13 avant 12. Je te garde droit dans les yeux sans la mettre en veilleuse. Vas-y, sors ta gazeuse. Et ma vie, et ma vie, et ma vie, et ma vie. Et ma vie, et ma vie, et ma vie. Et ma vie, ouais, me revache. Et ma vie, et ma vie, et ma vie. Ils t'ont cogné lors du GAV. MAV, MAV. Ils t'ont saoulé par tu BDAV. MAV, MAV. Ils t'ont fait chier par tu t'es le pavé. MAV, MAV. Tous les jours ils t'en ont fait baver. MAV, MAV. MAV. Maintenant, je vais vous présenter brièvement un bouquin auto-édité sur les plantes. C'est un bouquin qui s'appelle « Sauvage des lentières » sur les plantes comestibles et médicinales des lentières, mais aussi d'ailleurs. Et c'est marrant parce que c'est tout à fait le genre de livre qui pourrait plaire aux survivalistes et aux autres adeptes de la collapsologie. Mais moi, en présentant ce machin, c'était plutôt la volonté de se faire plaisir, de jouer aux sorciers et sorcières, et de comprendre notre environnement écologique, des plantes qui poussent, à quoi elles peuvent servir, qu'elles peuvent aussi servir pour notre santé, et qu'elles peuvent être super bonnes. Et puis là, en plus, c'est complètement la période. Et voilà, pour ne pas laisser uniquement les spécialistes, pharmaciens, médecins et autres blouses blanches, gérer notre corps et notre santé. Donc c'est un livre qui provient des Lentières à Dijon. Les Lentières à Dijon, c'est un grand terrain de 4 hectares qui est squatté depuis 10 ans contre la construction d'un écoquartier, mais je ne vais pas en dire plus ici. Et donc le bouquin, il présente pas mal de plantes issues aussi de nos régions, dont certaines que vous connaissez. Je pense par exemple la ronce, le pissenlit, l'ortie, le scratch madame. Vous voyez, le scratch madame, c'est le truc qu'on se colle dans le dos quand on est gamin, là, les plantes collantes. Et tout ça, c'est des plantes qu'on trouve pour le moment, qui sont en pleine floraison. Et le bouquin présente une série, quoi, et au-delà de leur qualité culinaire et médicinale, il présente aussi les périodes de récolte, la manière de les préparer, de les sécher, de les stocker, de les distiller, et même de comment faire des baumes. Dépêchez-vous parce qu'il n'y a que 2 exemplaires à la Lapinothèque. Voilà, et bien à la prochaine. Bonne soirée. Les alliés. On ne naît pas allié, il faut le devenir. Être une alliée, un allié, ce n'est pas prendre la tête de la lutte contre l'oppression subie par d'autres. les alliés sont des soutiens pour les luttes des premières concernées. Les soutiens doivent soutenir et non diriger. L'enjeu est alors de déterminer comment être ensemble dans l'action, même si on n'a pas les mêmes vécus, les mêmes ressources et possibilités, et qu'on est traversé par des rapports sociaux inégalitaires. Ce qu'on attend d'une alliée, c'est avant tout d'être attentive à ne pas reproduire les dominations contre lesquelles les personnes luttent. Non pas agir à la place d'eux, mais agir avec. Être une alliée, ce n'est pas non plus être au service d'une cause, ce n'est pas faire une faveur aux opprimés ou faire preuve de charité. Cela nécessite d'écouter la parole des premières concernées afin de mieux appréhender les oppressions que l'on ne vit pas, d'apprendre des personnes qui mènent la lutte, de voir ce qu'elles ont à nous apporter dans la conscientisation de nos privilèges. Le rôle d'une alliée peut être d'utiliser ses privilèges pour soutenir l'action et la lutte des premières concernées. Proposer des espaces, passer par la parole, lever des fonds, faciliter l'accès aux médias. En présence de personnes que la vie a cassées, cela peut être d'encourager, de mettre en confiance, de susciter la prise de responsabilité, de ne pas lâcher les gens dans des situations risquées. Cependant, la question principale pour les alliés ne saurait être l'engagement des premières concernées, mais le leur. Il ne s'agit pas de se dédouaner d'agir soi-même, sous prétexte que c'est aux premières concernées de se libérer par elles-mêmes et eux-mêmes, mais, au contraire, de trouver sa juste place et le rôle que l'on peut prendre dans la lutte contre l'oppression. De l'allié au complice, il s'agit de trouver son propre espace d'engagement, où nous nous impliquons, nous aussi, et prenons des risques pour faire changer les choses. Chaque question particulière pose une question à l'ensemble de la société et à ce titre, nous sommes toutes concernées par toutes les oppressions. Cependant, se sentir concerné, solidaire, voire co-responsable ne suffit pas à faire de nous des alliés. Par exemple, en France, l'alliance est compliquée entre les victimes des violences policières structurelles qui s'exercent contre les habitantes de quartiers populaires et les militantes d'extrême gauche. Ces dernières sont aussi victimes de violences policières, d'autant plus quand ils s'opposent volontairement et politiquement à l'État et à sa puissance répressive. Mais ils sont bien souvent éloignés socialement des quartiers populaires. Et il est commun que, plus ou moins consciemment, ils posent leurs normes comme des évidences, ce qui a pour conséquence de mettre les militantes des quartiers populaires en position dominée. Ces dernières se retrouvent alors à devoir faire la pédagogie avec leurs alliés autoproclamés pour leur faire percevoir que leurs propres normes sont oppressives. Résultat, ces luttes ne se rejoignent aujourd'hui que très peu, et leurs quelques convergences sont le plus souvent symboliques. Ainsi, pour la gauche, la question ne saurait être comment mobiliser les quartiers populaires, sous-entendant que ceux-ci ne sont pas déjà mobilisés et qu'ils devraient venir grossir les rangs de la gauche. Mais comment pouvons-nous leur être utiles en tant qu'alliés pour l'instant extérieur dans les actions et les luttes qu'ils mènent? À genoux, papa, moi aussi. Qu'est-ce que tu penses de la sélection naturelle? Lâche-moi. Thank you. c'était Brigitte Fontaine et Areski avec le morceau « L'auberge ». Ce morceau suivait l'extrait « Les alliés, on ne naît pas allié, on le devient » du livre d'Adeline Delépiné, une militante libertaire qui prend du recul face à l'importation du modèle « Community Organizing » en France. Alors ce soir, je vous présente son livre qui s'appelle « Organisons-nous, manuel critique » qui a été édité aux éditions Hors d'Atteinte en 2019. Alors, le premier chapitre du livre introduit les notions d'éducation populaire et d'organizing. Elle décrit leurs différences et leurs possibles complémentarités. Les quatre chapitres sont chacun centrés sur une des étapes nécessaires de l'organisation collective. Alors, parmi ces étapes, nous trouverons l'étape se regrouper. Alors, se regrouper, oui, mais comment ? Adeline repasse sur les points forts, les impasses, toujours dans un objectif de solidarité. Elle se démarque de l'utilisation des outils dits d'intelligence collective, très en vogue hein, dans l'organizing, mais aussi dans le management traditionnel. Alors je vous rappelle les propos de Dylan dans sa présentation, mais aussi ceux du livre de Johan Chapoutot, Libre d'obéir, ou encore Te plains pas, c'est pas l'usine, tous ces livres qu'on a à la Lapinothèque, que Dylan nous avait également présentés dans des émissions précédentes, des émissions qui sont d'ailleurs en podcast sur le blog des Lapins électriques. Alors Adeline se détache donc de ces outils pour leur côté utilitariste, intrusif, souvent utilisé à des fins de manipulation dans des rapports de subordination et dont le but est plus lié à l'efficacité du groupe, au développement personnel, à faire passer des décisions en limitant la résistance, qu'à une réelle bienveillance. Alors elle ne rejette pas l'idée, par contre, de les mettre au service de la solidarité et de la transformation sociale, pour s'émanciper, pour s'organiser démocratiquement et pour passer à l'action. Alors l'autrice mêle l'analyse sociologique et historique, la formalisation conceptuelle et l'outillage concret. Donc c'est la raison pour laquelle son livre s'appelle « Manuel critique », parce qu'il s'agit moins d'un mode d'emploi que d'une réelle prise de recul face à un ensemble de pratiques. L'ouvrage oppose trois postures dans l'organisation collective. Elle va parler de l'organizing autoritaire associé à Saul Alinsky, qui pour elle est viriliste, prône l'efficacité, où les membres se sacrifient pour la cause et appliquent une méthode toute faite par d'autres, où l'intérêt supérieur du collectif sur celui de l'individu lui permet d'appliquer des pratiques opposées aux valeurs prônées. L'organizing autoritaire est éloigné des préoccupations de l'éducation populaire et de la réflexion politique, refusant le débat pour ne pas, bien sûr, se diviser. Une autre posture de l'organisation collective qu'elle va mettre en avant, c'est l'organizing citoyen. Alors également associé à celui de Saul Alinsky. Alors elle fait, dans son livre, c'est intéressant parce qu'elle fait toute une critique en fait de Saul Alinsky pendant pas mal de pages. Et moi, ça m'a bien éclairé parce que c'est vraiment quelqu'un effectivement qu'on retrouvait lors des occupations dont les militants et les militantes parlent beaucoup. Et voilà, j'avais jamais pris la peine de comprendre la problématique qui tournait autour de ces propositions. Et ici, elle est très éclairante à ce propos. Donc, quand elle parle de l'organizing citoyen, ça serait celui qui veut sauver la démocratie en rendant la parole à ceux qui ne l'ont pas. Le fait d'agir le plus possible nous transforme, et c'est un peu l'idée de l'empowerment, mais dans une vision un peu libérale. C'est par la lutte qu'on s'émancipe. C'est l'organizing citoyen qui est paternaliste parce que l'organiseur devient un accompagnateur, une accompagnatrice, et n'est pas un camarade ou une camarade de lutte. Donc elle trouve ce mode d'organisation collective très verbeux, dépolitisé, car rendre la parole pour cette posture-là suffit au détriment de l'objet de la lutte. Alors la troisième forme d'organisation collective dont elle parle, c'est l'organizing décentralisé, qui serait post-alinskien et anarchisant. Donc ça c'est un peu évidemment la forme d'organisation dont elle se revendique. Anarchisant dans le sens où il reprend les principes libertaires Donc solidarité, anticapitalisme, anti-autoritaire, cohérence entre les fins et les moyens, utilisant le consensus, le mandat impératif, etc. Mais sans toujours s'en revendiquer de manière explicite. La vision libertaire se dessine, mais ne s'impose jamais. Ça se traduit plus par la pratique, par une pratique. Adeline Le Pinay tente en fait de trouver la ligne de crête pour ses luttes, à la fois efficace et solidaire, en passant à l'action aujourd'hui, sans oublier les enjeux d'une structuration pour demain. Alors un autre petit extrait qui a été choisi, non pas par moi, mais par une critique de ce livre qui est faite sur un site internet que je recommande pas mal, qui s'appelle Cairn, C-A-I-R-N, et qui produit des critiques de livres et d'autres choses aussi, qui sont très intéressantes. Alors eux mettent en avant cet extrait-là. C'est le principe de la double besogne décrite dans la charte d'Amiens en 1906, qui nous invite à concevoir toute action et toute lutte sur deux temporalités. Celle des revendications immédiates pour l'amélioration d'un quotidien difficile, fait d'oppression, d'exploitation concrète, et celle de la construction de la possibilité d'une transformation d'ensemble de la société et de la sortie du capitalisme. Donc elle est à la recherche de ce point d'équilibre. Et les chapitres 3 et 4 sont effectivement particulièrement éclairants sur ce point. Ben voilà. Alors le morceau qui suit et clôture mon intervention s'appelle « Moi aussi ». Je remercie Brigitte et son bel amoureux Areski qui m'ont accompagné pour cette présentation. Salut. Moi, je mange de la bouse de vache. Y a bien du pain blanc, mais c'est pour le patron. Moi, je bois de la pisse de vache. Y a bien du vin blanc, mais c'est pour le patron. Moi, je. Oulefnuk, sensnit le crône, oulefnuk. Moi aussi, ils m'ont vendu pendant des siècles, moi aussi. Oulefnuk, lire sa machine, dit l'usinsen, oulefnuk. Moi aussi, j'ai été machine dans leurs usines, moi aussi. Nenni, moudi, sarnuk, akmoudarloir, fesmadavror. Ils m'ont dit, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure quand ça me chantera. Nenni, moudi, deljusanuk, akmoudarir, satsrazot. Ils m'ont dit, donne-moi ton corps, je te donnerai un os à ronger. Nanii, moudi, vamnonak, akmoudar, le cachet d'aspirine. Ils m'ont dit, donne-moi ton sang, je te donnerai un cachet d'aspirine. Oulafnuk, oulafnuk, oulafnuk. Oulafnuk, naniing, oulafnuk, naniing, oulafnuk, naniing, oulafnuk, c'est de voir de nous, c'est de voir de nous. Freun, il coule. Weyernin, weyrin, l'ouche et chouawan. Gweder, gweder. Ils m'ont crevé les yeux et ils m'ont raconté le film après. Ils m'ont mise dans une cage et ils m'ont dit tu voles bas après. Ils m'ont écrasé, ils m'ont dit t'es une sale bête après. Oulafnuk, oulafnuk, win chumlar. Oulafnuk, kassin chumlar, soura zayuna sahvivim. Moi aussi, mon amour. C'est fini, mon amour. أقلانر أسين حملار نوفوسي مون أمور أقلانر أسحبيبي أقلانر وين حملار أقلانر وين حملار موسي موسي سي فيني نوفوسي ولادنك ولادنك ولادنك Belgique parle au monde. La Belgique parle à l'Afrique du Sud, aux Indes néerlandaises, à la Grande-Bretagne, aux Indes, à l'Extrême-Orient. La Belgique parle au Canada, aux Antilles françaises, à l'Espagne, au Portugal. La Belgique parle à l'Afrique, à l'Amérique du Nord, à l'Amérique centrale, à l'Amérique du Sud. La Belgique parle au monde. Allô, allô, communication de service d'Insmed Dealing. Le présent avis énoncé ci-dessus est applicable dans les limites territoriales de l'agglomération bruxelloise, conformément à l'arrêté fixant les conditions et les modalités d'exécution et d'application de la réglementation des radios locales. C'est juste? Radio Air Libre, parlez du quotidien. Merci, monsieur. Une alternative dans la jungle des ondes de Bruxelles. Radio Air Libre, FM 100.3. Numéro de téléphone, 513 10 50. Et madame, Radio Air Libre, 185 Chaussée d'Ixelles à 1050 Bruxelles. Merci madame. Jonathan. Suite à l'édition d'une cassette audio par la Distro Lapinothèque reprenant des extraits sonores des émissions RZAB enregistrées par mes soins il y a quasi 30 ans, nous allons aborder et surtout écouter quelques fragments d'histoires passionnantes des RZAB, Radios Alternatives Bruxelles. Et par la même occasion, on effleurera les débuts des radios libres en Belgique. RZAB diffusait dans sa seconde vie, si je puis dire, sur les ondes de Radio Air Libre, de la musique très étrange et dans un registre expérimental, non soumis aux droits d'auteur et d'autrice de notre très très très cher Sabam. Mais je vous raconte le pourquoi de ce choix un peu plus tard. Les musiques et extraits sonores qui passaient sur RZAB se situaient dans un style bien trempé qui allait du détournement expérimental en passant par des collages sonores intempestifs ou par des cadavres très exquis aux textures cold wave indus expérimentales pratiquant le male art à outrance. Autant vous le dire, ces musiques sont très rares voire introuvables, même dans le dark side du web. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative d'éditer cette fabuleuse expérience radiophonique. Mais l'histoire des RZAB ne se résume pas à une boîte à musique casse-oreille. Non, non, elle regorge d'une énergie et d'une explosivité révolutionnaire, ma foi, bien méconnue. Trêve de bavardage, passons-nous une petite cassette de derrière les fagots, du genre de musique que l'on pouvait écouter sur RZAB. Et pour ne pas vous effrayer tout de suite, je vous propose d'écouter le très écoutable Unovidual avec l'album Entropie et avec le titre Like I Am, comme je suis, sorti en cassette audio en 1986. Je vais toujours commencer par vous. Oh, il y a deux voitures qui viennent à travers le désert. tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, que cette statuette a plus de 400 ans. C'est une pièce tout à fait exceptionnelle. 750 000 $. C'est une pièce unique au monde, une véritable occasion. C'est terminé. Je n'entends plus personne. Nous allons revenir très vite sur l'histoire des RZAB, Radios Alternatives Bruxelles. Mais avant ça, faisons un bref rappel sur le commencement des radios libres en Belgique. Fin mars 1978, surgit entre la forêt et la ville de Couvain, Radio Au Noir, première radio libre en Belgique. Cette initiative est le produit direct de la lutte et de l'opposition des habitantes et habitants de Couvain contre la construction d'un barrage qui détruirait quelque peu le village. Les Couvinoises et Couvinois décident de mettre sur pied une radio pirate jamais trouvée par la police. Il s'agira donc de la première radio libre en Belgique. Ensuite, en novembre 1978, première émission de Radio Brol. Lors de la manifestation nationale des étudiants contre l'augmentation du Minerval, nous écoutons tout de suite un extrait de Radio Brol et de l'émission Larsen. Impérialisme. Abat. Impérialisme. Abat. Colonialisme. Abat. Colonialisme. Abat. Capitalisme. Abat. Capitalisme. Abat. Phallocratisme. Par des énergumènes, des flibustiers, des sagouins, des cochons, des vandales, des ordures. Et si j'en tenais un, d'ailleurs, la prochaine fois, on se fait un service d'or canon et on les passe tous à la tondeuse, ces connards d'enculés, de punk PD gauchistes, anards voyous de merde. Vous écoutez Larsen et en particulier Radio Brol, une des émissions de Radios Alternatives sur 104.5 MHz. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi de la semaine passée, sur la place Fagée, une bombe a explosé devant le siège de la Société Générale de Banque. La vitrine a volé en éclats et trois voitures ont été endommagées. La bombe n'a pas fait de victimes. Revendiquée par un groupe toujours inconnu, cette explosion qui a fait peu de dégâts est dirigée contre l'institution bancaire, symbole capitaliste. La signature de la revendication, parvenue à l'agence de presse belga vendredi matin, correspondait de très près à celle d'une autre revendication se rapportant, elle, à la bombe qui a explosé devant l'annexe du palais de justice de Bruxelles dans la nuit du 18 mai dernier. Cette nuit, nous avons fait sauter une agence de la Société Générale de Banque. 2000 ans plus tard, le veau gras sort de son lit et les crétins qui l'adorent se multiplient. Le 9 janvier 1979, première émission de Radio Activité, première radio libre régulière sur Bruxelles. Elle est animée par la coordination antinucléaire de Bruxelles en collaboration avec les Amis de Terre Bruxelles. Les émissions ont lieu les mardis de 19h à minuit et comprennent des séquences telles « Écoute, c'est du belge » ou encore « Les poubelles du nucléaire » et un journal parlé. La radio émettra jusqu'au printemps 1980. Février, début des émissions de Radio Mona Lisa, animée par Rock Against Racism Bruxelles. En mars, toujours de l'année 79, naissance de Radio Blankedel qui deviendra par la suite Radio Quartier Libre. Radio Brol, Radio Activité, Radio Mona Lisa, Radio Quartier Libre émettent avec les mêmes matériels à partir de la boutique de droit de l'ULB. Ceci jusqu'en juin, toujours de l'année 1979. Début du mois de juin 79, il y a un regroupement de différentes radios. Radio Activité, Radio Mona Lisa, Radio Quartier Libre sous le nom de Radios Alternatives Bruxelles, RZAB. Installation au 82 rue de la Cible à Scarbeck, au-dessus du café Le Mégahertz, animé par l'ASBL le 22 mars. Il y aura toujours des interférences entre les radios et le café Mégahertz. Celui-ci sera le lieu de rencontre de tous celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin aux radios libres. Il servira pendant un temps de lieu de réunion à l'Association pour la Libération des Ondes, Belgique, ALOB. Et au RZAB, le 82 rue de la Cible sera jusqu'en octobre 1980 l'adresse de contact de l'ALOB de l'Union Européenne des Radios Libres. Dans le courant du mois d'août 1979, naissance de l'émission La musique adoucit les mœurs, qui existe d'ailleurs toujours sur Radio Air Libre, Radio Klein Mariette, Radio Spartacus Mandrin et bien d'autres. C'est le véritable démarrage du collectif des radios alternatives avec un Z pour bien montrer qu'il y en a plusieurs, mais également en référence à une radio pirate dans la région de Charleroi qui aura une courte durée. Le 29 et le 30 septembre 79, participation à la rencontre européenne des radios libres à Longwy. Sous l'impulsion d'une forte délégation belge, il y aura la création de l'Union européenne des radios libres. En automne 79, il y a la création de Radio Fantôme, première radio de nuit, essentiellement musicale. Elle mobilisera de nombreux animateurs jusqu'au printemps 1980. Les radios alternatives, RZAB, sera la première station belge à émettre 24 heures sur 24. Cette formule sera abandonnée au printemps 1980 afin de ne laisser au sein du collectif que les radios d'expression. RZAB devient la station qui a les auditeurs les plus motivés de toutes les radios bruxelloises. Le 17 novembre 1979, il y aura la préparation et la réalisation avec Radio Plus, Radio 104, Radio Virginia, Radio Kefren et bien d'autres radios de la fête des radios libres au Plan K à Molenbeek. Cette première journée nationale des radios libres sera organisée par l'ALO Belgique, rassemblant plus de 3000 personnes et de quasi toutes les radios belges. Les 3, 4, 5 et 6 janvier 1980, il y aura la participation des radios alternatives au débat organisé sur la diffusion alternative à Scarbeck, Ganseron, Bruxelles et Forêt, avec pour thématique en question les radios libres. Et voici non pas le temps des cerises, mais le temps des saisies. Le 27 février 1980, il y aura une grande participation à Leuven pour protester contre la saisie de Radio Studio 17 et de la mise sous scellé de Radio Scorpio. Le 7, 8 et 9 mars, prise en relais de certaines émissions de Radio 104, saisie le 7, en fin de matinée et qui réémet le soir même. Le 8 mars, émission en direct de la Maison des Jeunes, 1917, à l'occasion de la fête organisée par l'organisation ayant subi des attentats fascistes. Le 10 mars 1980, il y aura la saisie de Radio XL, qui ne fait pas partie de l'ALO Belgique. Le soir, l'ALO Belgique organise Radio Riposte pour réagir contre les saisies et contre le nettoyage de la bande FM du 104 au 108 MHz où émettaient les radiosaisies. L'émission se déroule sur le 104.5 MHz à partir du studio des radios alternatives et est pris en relais par d'autres radios libres. Plusieurs centaines de personnes descendent dans la rue pour défendre le studio contre toute attaque éventuelle des autorités. Le 11 mars 1980, dans la journée, alors qu'il n'y a qu'un seul animateur en studio, une cinquantaine de gendarmes démolissent à la hache la porte du café Le Mégahertz, fermé à cette heure et pour lequel il n'y avait pas de mandat. Les gendarmes pénètrent violemment dans le studio, arrachant au passage la rampe de l'escalier. Aidés par les agents de la RTT, ils saisissent le matériel de basse fréquence, les tourne-disques, micros et tables de mixage, ainsi que des disques, du courrier, des listes d'adresses, mais pas l'émetteur qui était caché dans une poubelle. Il y aura des échauffourées avec des animateurs et des auditeurs venus à la rescousse, qui se soldera par 5 arrestations. Vers 6 heures, il y a une manifestation de sympathisants rue de Louvain à proximité des locaux de la gendarmerie. Le soir, Radios Alternatives réémet avec, comme la veille, des centaines de personnes dans la rue et des centaines d'auditeurs en stand-by, des représentants des autres radios. Le 12 mars, il y aura la reprise des émissions avec des moyens de fortune. Il y aura la participation de centaines d'animateurs à l'occupation des bureaux du ministre des PTT. Radio Air Libre voudrait jouer dans la cour des grands et décide de se marier avec les radios alternatives. Début 84, Radio Air Libre connaît une période de turbulence interne et ses émissions sont brouillées par Radio Maeva. Elle arrête d'émettre pendant quelques mois. Sabine Missistrano annonce la couleur. Alternative libertaire, numéro 60, mars 84, page 8. On va s'offrir une antenne très haute sur un immeuble très haut, comme ça on saura comme SIS contacter les autres. Et notre voix, la vôtre, celle de tous les exclus, margeaux, dérangeants, on l'entendra aussi partout. On recherche 250 000 francs. Finalement, Radio Air Libre s'installera chaussée d'Alzenberg, pas loin de l'altitude 100. À Scarbeck, il restera quasi impossible de la capter. Il est décidé en outre de partager une seule fréquence avec les radios alternatives. La Sainte Alliance est consacrée au début septembre 84 et donne lieu en octobre à 72 heures de radio d'expression et de création. Un tract annonce le mariage, entre guillemets. Les radios alternatives et Radio Air Libre ont des projets différents. Bon, mais pouvons-nous encore vivre sur des projets de papier dans une réalité accablante où notre extase a peine à venir ? Hein, là-haut, vous là, c'est bien simple. Si on veut voir les choses en face, il n'y a plus sur Bruxelles une seule radio d'expression crédible. Oh, c'est vrai, non ? Sommes-nous capables de créer cette radio en nous mettant ensemble ? Ça, c'est la question. Ça fait 3 ans qu'on pense que les choses vont s'arranger et que des gens géniaux vont se jeter à nos pieds pour solliciter l'honneur indicible de caresser nos potentiomètres en léchant nos micros. Bark ! Nous ne pouvons plus attendre des lendemains meilleurs, des fréquences orthopédiques ou des studios amphibies à l'épreuve du feu. Ah ça non, on ne peut plus. Parce que notre pari est de transformer le bruit de fond radiophonique en écoute passionnée, en discours volubile, il s'agira toujours d'inventer la radio. Pour la suite de l'histoire, il nous faut encore investiguer. Mais grosso modo, il y avait les radios libres commerciales et les radios libres non commerciales. Les radios libres commerciales, avec les instances publiques, vont mettre la pression sur les radios libres non commerciales pour nettoyer littéralement la bande FM. Il y aura des saisies d'émetteurs, les radios libres commerciales auront des émetteurs beaucoup plus puissants qui n'arrêteront pas de bouffer sur la bande fréquence des petites radios qui ne peuvent pas concurrencer les grosses radios commerciales. Puis surtout, comme je disais, le matériel sera saisi, il y aura une grosse répression de la part de l'État face aux radios libres et aux radios libres pirates. Voilà, et pour clôturer cette petite présentation des radios libres et cette cassette auto-éditée de la Distro La Pinothèque, des fragments d'émissions de RZAB, je vous propose d'écouter un morceau de la Tigresse uruguayenne en hommage à ses expériences radiophoniques. Le morceau s'appelle « On ne réveille pas un chat qui dort ». On s'excuse un petit peu de la qualité sonore du mixage. Mais voilà, je pense qu'il a été fait dans l'esprit de ces radios libres il y a une dizaine d'années. Bonne écoute. chers compatriotes. Soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Bounou, je sache, et aussi à Nzambi Mawesi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes, sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut, et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez. et 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. L'agenda de la distro, la Pinothèque et de ses sorties. Dans le courant du mois de juin, nous avons déjà deux sorties prévues. Il s'agit du samedi 5 juin de 17h à 21h à la FLAC. Si vous désirez plus d'informations pour avoir l'adresse, vous pouvez nous écrire à lapinothèque@riseup.net. Il y aura également une sortie le samedi 12 juin. De 14h30 à 18h30, il s'agit d'un lieu privé, donc également, si vous êtes intéressé, écrivez-nous à lapinothèque@riseup.net. Voilà, c'était le court agenda des sorties de la distro Lapinothèque. Ah, et j'oubliais, il y a quand même une troisième sortie qui sera en même temps une sortie de la Distro de la Pinothèque et un direct avec le studio mobile de Radio Air Libre dans le cadre des 150 ans de la Commune de Paris au DK à Saint-Gilles. Donc ça, ce sera le mercredi 23 juin. Nous, on sera présents à 20h30 pour l'émission, mais la Distro de la Pinothèque sera déjà présente un peu avant. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous. Distro de la Pinothèque et en même temps émission en direct avec des invités spéciaux. Et voilà, c'est tout pour l'agenda. Et voilà, c'est la fin de l'émission de la Distro de la Pinothèque. Donc, c'est toujours les derniers mercredis du mois de 20h30 à 22h30. Et les vendredis qui suivent pour la rediffusion sur le 87.7 FM ou directement sur le site de radioairlibre.net. Vous pouvez écouter tous les podcasts de la Distro de la Pinothèque sur le blog leslapinselectriques.blogspot.com ou également sur le blog de Tranche de Nard, c'est tranchedenard.noblogs.org. Si vous voulez nous écrire un courrier, n'hésitez pas à envoyer ça à lapinothèque@riseup.net. Et vous pouvez également vous inscrire sur la mailing list de la Lapinothèque pour recevoir toutes les infos radio et sorties de la distro. À la semaine prochaine. À ciao. Quoi de neuf, docteur ? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Distro La Pinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. C'est à l'écoute de la Distro La Pinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Distro La Pinothèque, c'est le dernier mercredi de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons.